بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إذن نواصل دراستنا بحمد الله جل وعلا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سائلين الله عز وجل المولى أن ينفعنا بهذا العلم وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل كما نسأله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وبعد. Donc on va continuer les frères, inshallah, sur l'explication et l'apprentissage de la prière du prophète sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam sur cette série de cours concernant la prière. Et donc on a commencé la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam. La description, c'est-à-dire l'apprentissage de la prière à travers ce qui nous est rapporté dans la sunna authentique de la prière du prophète sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam. Et comme on avait fait le rappel dans la dernière assise, le grand mérite et le bienfait du Créateur de nous avoir compté parmi ceux justement qui sont unis dans une demeure parmi les demeures d'Allah subhanahu wa ta'ala pour évoquer son nom et pour apprendre la sunna et les récits et en l'occurrence ici le sujet de la prière du prophète sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam. On avait fait allusion au récit lorsque des jeunes gens étaient restés avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et en repartant vers les leurs, le prophète leur a recommandé en leur disant « Sallu kama ra'aytumuni usalli » « Priez comme vous m'avez vu, priez » Donc l'importance de prier comme le prophète sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam priez. Donc on demande à Allah azzawajal de nous accorder la sincérité à travers nos paroles et nos actions et de nous faciliter la compréhension de la religion et de nous accorder ce qu'on appelle husn al-khatima. أن الله جل وعلا يحسن ختامنا جميعا. On demande à Allah qui nous accorde la bonne finalité et la bonne fin. Allahumma ahsin khitamana. On s'est arrêté dans la dernière assise concernant une question très importante de la prière, le regard. Qu'est-ce qu'on regarde? Où est-ce qu'on regarde pendant la prière? Et ça, c'est très important. Pourquoi? Puisqu'on a dit la question du regard est lié à la question du khushu'a, la question du khushu'a, de la concentration qu'on se doit d'avoir dans la prière. Et donc ça, c'est quelque chose de très important. C'est pour cela que on a dit que les savants s'accordent pour dire qu'il est recommandé, que c'est une recommandation, que pendant la prière, le fidèle regarde et fixe l'endroit de la prosternation, l'endroit de la prosternation. Et on avait dit, en ce qui concerne le regard pendant la prière, harakat al-basar fi salah, pendant la prière, le regard, alors certains savants ont apporté des précisions en disant que dans certaines circonstances, c'est recommandé de fixer un endroit. Dans d'autres circonstances, il est permis de fixer un autre endroit. D'autres circonstances, ça peut être interdit de fixer certains endroits, comme on va le voir. Comme on va le voir. Donc, on avait évoqué, que certains savants évoquaient 4 cas. 4 situations et 4 cas. Et on avait évoqué le premier cas. Al-halatul ula, halatul istihbab. Halatul istihbab. Le premier cas, lorsque c'est mustahab. Lorsque c'est mustahab, le cas où il est recommandé, la recommandation. Qu'est-ce qui est recommandé? Ce qu'on a dit précédemment. Qalu takadu tattafiqu aqwal al-ulama ou ahli al-ilmi ala annahu yustahab lil-musalli an yaj'ala nazarahu mawdi' as-sujud wa an la yufariqahu ou yujawizahu illa fi halati at-tashahhud kama dhakarna dhalika fi al-halqati al-qadima ou al-qadima ou al-madiya. Première chose, on a dit la situation où il est recommandé, la recommandation. Comme on l'a dit précédemment, il y a presque un accord sur le fait que certains savants s'accordent pour dire qu'il est recommandé de regarder l'endroit de la prosternation pendant la prière. Sauf dans certains cas, comme on l'expliquera pendant le tashahhud, par exemple lorsqu'on fait at-tashahhud ou d'autres situations. Et c'est pour ça qu'on avait évoqué la parole de l'imam Ahmad ibn Hanbal, lorsqu'il dit al-khushu' fi salati an yaj'ala nadharahu fi mawdi'i sujud fi mawdi'i sujudihi, que le khushu', la concentration pendant la prière, c'est de fixer l'endroit où l'on va se prosterner, où l'on va se prosterner, comme c'est rapporté de l'imam Ahmed. On avait mentionné aussi la parole de l'érudit al-Hafidh ibn Hajar concernant cette question-là. On va avancer jusqu'à ce qu'on avait précisé ensuite le deuxième point. Le deuxième point. La deuxième situation, halat al-jawaz, la permission. Donc, fixer l'endroit de prosternation, c'est recommandé. C'est ce qui est recommandé dans la prière. Jusque-là, c'est wadih. Al-halatu thaniya, la deuxième situation, al-jawaz, la permission, ce qui est permis. Vous faites la différence entre al-istihbab ou al-jawaz. Al-Mubah, ce qui est permis. Ce qui est permis, c'est le fait de regarder en direction de la Qibla. De regarder en direction de la Qibla. Bel, ذهب الإمام مالك قالوا يجوز للمصلي النظر أو النظر إلى قبلته في الصلاة. بل, ذهب الإمام مالك إلى استحباب ذلك. Comme on l'a mentionné hier, à titre de révision, la permission de regarder en direction de la Qibla, comme c'est rapporté de l'imam Malik. Bien plutôt, l'imam Malik s'est rapporté qu'il voyait le caractère recommandé de cela, comme c'est connu de l'avis de l'imam Malik. Et on avait évoqué le tafsir de l'imam Al-Qurtubi dans son tafsir, que lui dit, concernant le tafsir et l'explication du verset, « فَوَلِّي وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ » Il dit, « وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ حُجَّةٌ وَضِحَةٌ » لما ذهب إليه مالك ومن وافقه في أن المصلي حكمه أن ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده. Et l'imam Qurtubi disait que dans ce verset on a une preuve, c'est le verset 144 de la sourate Al-Baqara, sur l'avis de l'imam Malik et ceux qui ont conforté son avis, qui ont le même avis de l'imam Malik, sur le fait de pouvoir regarder en direction de Al-Qibla. Ça c'est l'avis de l'imam Malik. وللمصلي ايضا جواز النظر الى امامه في اثناء الصلاه. Et on avait terminé notre assise avec cela. La permission aussi de regarder lorsque c'est une prière en groupe, de regarder vers l'imam. De regarder vers l'imam. Et on avait même cité hier, on avait terminé avec le tabouib. Le tabouib de l'imam al-Bukhari. لما بوب الامام البخاري في الصحيح باب رفع البصر الى الامام في الصلاه. Chapitre concernant le fait de lever le regard en direction de l'imam. En direction de l'imam. Et on avait mentionné des textes sur cela. Par exemple, le hadith où les compagnons un jour avaient observé le prophète pendant la prière, comme s'il avançait, hésitait, reculait et essayait d'attraper quelque chose pendant la prière. Et le prophète, ensuite, lorsqu'ils lui ont demandé, il dit qu'on lui a fait montrer le paradis et qu'il a voulu saisir un fruit du paradis. Et il a dit si j'aurais pu saisir ce fruit, vous aurez pu en manger jusqu'à la fin de vos jours. Cela prouve que les compagnons, ils ont observé le mouvement du prophète sallam pendant la prière et l'hésitation et le recul du prophète sallam et qu'ils voulaient saisir quelque chose. Ça prouve qu'ils ont observé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme il est mentionné dans un autre hadith aussi, que le prophète sallam, lorsqu'il se relevait de l'inclinaison en disant « Samir Allahu liman hamida », les compagnons se relevaient et pouvaient observer le prophète se prosterner. Ce qui prouve qu'ils observaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est dans quelle situation ? Al-hal thani, fil halati thaniya, deuxième, al-jawaz. Al-jawaz. Le mustahab, ce qui est recommandé, mawdi' al-sujud, l'endroit de la prosternation. Et parfois, situation, regardez l'imam, muraqabat al-imam. Muraqabat al-imam, hada fi hal, fi halati al-jawaz. Dans la situation, permission, que c'est, cela est permis. Et on voit bien que Cheikh Ibn Uthaymeen, dans son livre, il a fait allusion à certains textes concernant cela lorsqu'il a parlé de An-Nadhar. Même si il n'a pas développé cette question-là comme on l'a évoqué précédemment. Et on a évoqué le hadith aussi que les compagnons, ils pouvaient contempler le prophète, sans même voir que le prophète continuait de réciter par rapport au mouvement de sa lihya, de sa barbe. Mouvement de sa barbe. Et ils déduisaient que le prophète, sans même continuer et réciter pendant la prière. Taïm. Jusqu'à ce que certains savants disent fi halat al-jawaz, fi halat al-jawaz, lorsque le prieur a peur et dans une situation de peur, il a peur d'un danger, d'un ennemi, par exemple, d'observer halat al-jawaz. Ou bien comme قالوا وكذا يجوز ان يتجه بصر المصلي جهه العدو او متاعه او نحوهما عند الخوف عند الخوف. Par exemple, en situation de peur, il regarde son matar, ses effets. Situation de peur, par exemple, ونحوهما عند الخوف. Ça c'est, rappelez-vous bien, les savants font dire حاله الجواز. Si on l'a fait, c'est pas interdit. On n'a pas commis de haram. On n'a pas dit que ce qui est recommandé, c'est de faire ça. Ou al asl fi an-nadhar fi as-salah annaka tanzur ila al-imam ou ila mata'ik 'ind al-khawf wa ghayr dhalik. C'est pas ça al asl fi al-mas'ala. Hada halat al-jawaz, c'est permis. Si vous l'avez fait, il y a pas de péché. Par exemple, il y a un prieur qui est dans le rang. À un moment donné, il pense que l'imam il a fait takbir pour se prosterner. Tilawat, par exemple, ce jeu de tilawa, la prosternation de récitation. Il sait que là, c'est un verset de prosternation. Mais on n'est pas sûr est-ce que l'imam va le faire ou pas. Pourquoi ? Parce que c'est mustahab, c'est pas une obligation. Est-ce qu'il va le faire ? Là, il fait takbir. Est-ce que l'imam, il a fait takbir pour s'incliner ou bien pour se prosterner, pour que tu puisses le suivre ? Là, à ce moment donné, tu observes l'imam. Halat al-jawaz, c'est permis. Halat al-jawaz. Al-halat al-thalitha, la troisième, vous avez vu, premier al-istihbab, deuxième al-jawaz, premier la recommandation, ce qui est recommandé de regarder pendant la prière, deuxième la permission, troisièmement al-karaha. Al-karaha. Troisième chose, ce qui est détestable. Ce qui est détestable de regarder pendant la prière. Ce qui est détestable de faire concernant le regard pendant la prière. قال أو قال العلماء لم يختلف قول العلماء في كراهة الالتفات في كراهة الالتفات وعين المصلي أو رأسه في الصلاة أي إذا التفت برأسه وبدنه مستقبل القبلة دون الحاجة فإنه يعد فعل مكروه من مكروهات الصلاة استنادا لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها حيث سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد من صلاة العبد. Parmi les choses déconseillées le fait, par exemple, d'aller à droite, de regarder par là ce qui se passe, de tourner sa tête. On est toujours, attention, ils disent, Mustaqbil al-Qibla. Son corps, lui, il est Mustaqbil, il est en direction de l'Qibla. On ne parle pas de celui qui va à droite, comme ça, ou à gauche, tout son corps dérive de la Qibla. Non. La personne est toujours devant, al-Qibla, face Qibla, mais parfois son regard, il peut aller là-bas. Il peut aller là-bas, son regard. Ça, c'est déconseillé. Ça, c'est déconseillé. Que le regard du croyant, ou bien avec sa tête, son corps est toujours en direction du Qibla, mais sa tête comme ça commence à aller là ou là. Là, ça c'est déconseillé. Le prophète est interrogé au sujet de cela, et le prophète sallam a dit que ça c'est quelque chose que dérobe, en quelque sorte, al-shaytan de la prière du serviteur. C'est quelque chose que dérobe al-shaytan, comme a dit sallam, lorsque son épouse Aïcha lui a interrogé au sujet de cela, il dit « Waqtilas ». Yartalisuhu ash-shaytanu min salat al-abd, de la prière du serviteur, de la prière du serviteur. Kadhalika, donc ça c'est déconseillé. Parmi les choses déconseillées, la question qu'on a traitée hier, le fait de fermer les yeux. De fermer les yeux pendant la prière. Al-aslu al-karaha. Cela chez les savants, la base, l'origine de la question, c'est que c'est déconseillé de fermer les yeux pendant la prière. يقرأ أيضا في الصلاة تغميض العينين إلا لحاجة. Sauf en cas de besoin. En cas de besoin de fermer les yeux, c'est plus déconseillé. Et ça devient permis. Ça peut devenir permis. Comme c'est rapporté d'Ibn Qayyim, في زاد المعاد, il dit ولم يكن من هذه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تغميض عينيه في الصلاة. Ibn Qayyim, vous savez, Ibn Qayyim est un savant qui a vraiment observé la tradition du prophète. Son livre Zad al-Ma'ad, c'est un livre qui est immense. Que je conseille vraiment à chacun de lire. Je me conseille, premièrement, de lire ce livre Zad al-Ma'ad. Surtout que ça a été facilité pour les francophones aussi. Il a été traduit. Il est traduit, si je ne me trompe pas, il est paru en 4 volumes. La traduction française est parue en 4 volumes. Zad al-Ma'ad. Ce qui est étonnant, c'est que ce livre, il l'a écrit alors qu'il était en voyage, pendant le voyage. C'est impressionnant. Parce que dedans, il vous évoque des détails de la vie du prophète. Certains le considèrent comme un livre concernant As-Sira, la biographie du prophète. Mais en fait, c'est plus vaste. C'est Ajib. Dedans, il évoque le fiqh. Il y a de la jurisprudence, il y a la vie du prophète. En fait, c'est tout ce qui est lié à la sunna du prophète, ensemble. La sunna du prophète en voyage, la sunna du prophète dans la prière, la sunna du prophète fil hajj, la sunna du prophète fait safar, fait kulli shay. Donc c'est pour ça que même le fiqh, il est dans ce livre-là. Certains même l'appellent, ce livre-là d'Ibn Qayyim, Kitab al-Ulama. Kitab al-Ulama. C'est le livre des savants. Il y en a les savants, les esternoun an hadha al-kitab. Les savants ne se passent pas de ce livre. Et si vous regardez, vous observez, il faut observer lorsque vous visitez le mashayikh, vous visitez les savants, surtout on est dans une époque où les savants, machallah, ouvrent leurs portes. Comme en chaque temps. Ils ouvrent la porte. C'est pour ça que ceux, par exemple, qui ont l'occasion de faire Al-Hajj ou Al-Umrah, ils peuvent visiter des mashayikhs et aller chez eux. Leur mektaba, elle est ouverte, leur bibliothèque, vous pouvez vous asseoir avec eux, observer les livres. Et souvent, vous allez voir Zad al-Ma'ad, Had al-Kitab. Pas seulement il est dans la bibliothèque, il est sur le bureau. Il est posé. Il est étudié, ce livre, et il est enseigné. Kitab Zad al-Ma'ad. C'est un livre vraiment pertinent. Ce qui est très pertinent, c'est qu'Ibn Qayyim, si vous regardez le livre, vous lisez, vous dites comment Ibn Qayyim il peut écrire tout ça de tête, en voyage. Même déjà de l'écrire chez soi, posé, au calme, assis, sur son bureau, avec toutes les bonnes conditions, il faut le faire. Pour évoquer toutes ces preuves, ces délits, tout ce qui est rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, déjà il faut le faire de tête, faire tout ça. Mais là, en voyage, c'est l'ajab al-ujab. C'est immensément étonnant. Et justement, regardez dans son livre, Ibn Qayyim, qui a traité ce livre, en fait, Zad al-Ma'ad, c'est sur la guidée du prophète. Tout ce qui est rapporté du prophète, c'est sur sa guidée. Il dit, « وَلَمْ يَكُنْ مِنْ هَدْيِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ تَغْمِضْ عَيْنَيْهِ فِي الصَّلَةِ » Il dit, une très belle parole en résumant, que ça ne fait pas partie de la guidée du prophète, même de fermer les yeux pendant la prière, tout simplement. Fermer les yeux pendant la prière, ça ne fait pas partie de la guidée. فكرهه الإمام أحمد وغيره وقد كرهه الإمام أحمد وقالوا هو فعل اليهود كما ذكرنا هذا في الحلقة الماضية والصواب est-ce qui est juste dans cette question ce qui est juste c'est-à-dire que d'autres communautés ont été connues pour ça pour fermer les yeux dans leurs adorations nous on ferme pas les yeux pendant la prière le musulman ferme pas ses yeux par contre parfois c'est permis C'est pas déconseillé. À la base, c'est déconseillé. Parfois, c'est pas déconseillé. As-sawabu in kana taftih al-aynayn la yukhillu bil khushu' fa huwa afdal. Regardez, certains savants ont détaillé la question. Ils ont dit si, et de même Ibn Qayyim aussi le cite. D'ailleurs, c'est tiré de la parole d'Ibn Qayyim. Le plus juste dans la question, comment c'est résumé? Si le fait d'ouvrir les yeux, ça remet pas en cause el-khushu'a. Et ça met pas en danger el-khushu'a, c'est-à-dire notre concentration dans la salat. Al-aslu, ils disent, la yukhil bil-khushu'a. Ça remet pas en cause el-khushu'a, la concentration de la prière. Fahwa afdal. C'est le meilleur. Qu'est-ce que le meilleur? De laisser les yeux ouverts. De prier les yeux ouverts. Wa in kana yahulu baynahu wa bayna al-khushu'i. لما في قبلته comme on l'avait dit من التزويق أو بعض الزخارف ou autre chose قالوا لا هنالك لا يكره التغمض قطعا ils disent à ce moment là si par contre entre lui par exemple et la Qibla il y a quelque chose qui remet en cause sa dévotion son khushu' sa concentration dans la prière il y a quelque chose qui le déconcentre Là, il est déconcentré. Quelque chose qui le déconcentre. Là, à ce moment-là, ils disent, si son khushu' est remis en cause, par exemple, devant lui, il y a un ornement. L'ornement. Vous savez, quand il y a trop d'ornements, il y a trop... C'est pour ça que fait partie de la sine à fin des temps l'embellissement et l'ornement des mosquées. Aujourd'hui, les gens dépensent des millions et des millions pour l'ornement des mosquées. Or, c'est pas ça qui est demandé. La mosquée, c'est un lieu de se rappeler Allah Azza wa Jal. C'est un lieu pour adorer Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et beaucoup d'ornements, en réalité, nous déconcentrent. C'est pour ça que certains, parfois, lorsqu'ils rentrent dans des mosquées, elles sont tellement ornées, tellement embellies, que parfois, on en oublie d'évoquer Allah Azza wa Jal. Dès qu'on rentre, on est en observation. On regarde, on dit Subhanallah. On est là en train de contempler l'endroit et on s'imagine comment ils ont fait ça. Ces calligraphies, ces gravures. Et ensuite, on est touché par ces ornements et on est concentré par ces ornements et ça a captivé toute notre concentration. Alors que c'est pour cela que si vous visitez les mosquées ou qu'il y a des savants, des gens de science, vous verrez, alhamdoulillah, c'est des mosquées, il n'y a pas d'ornement, mais lorsque vous rentrez, sans faire du tasawuf, vous sentez une sakina et du waqar. Vous sentez. Vous n'êtes pas perturbé par des ornements, et là, vous êtes assis, et cet endroit et ce lieu est pour invoquer, adorer, prier Allah subhanahu wa ta'ala. Le meilleur des hommes, c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il est rapporté que le prophète a embelli et enjolivé la mosquée? Là, c'était des conditions très modestes. Il pria même le sol. Le prophète, c'était fait avec des branches de palmier. C'est très simple. Et le fait d'orner les mosquées, ça, on pourra traiter cette question-là, c'est cité dans les livres. C'est pas, vous savez, nous tous qu'on dit, c'est ce que disent les savants. Je ne dis pas ça pour que vous venez. Je ne dis pas ça par prétention. Je dis ça parce que Nakhafullah Azza wa Jal, sans prétention. Et le fait de parler sur la religion, sur Allah, c'est une grande responsabilité. Alors moi, je me mets à l'abri. Je dis ce que les savants ont dit. C'est pour ça, c'est pas par prétention pour que vous venez. Pourquoi moi je lis le livre de Charles Al-Thaymin? Moi, je ne sais pas en vrai si dans la question de mettre les mains sur la poitrine, il n'y a que ça qui sont rapportés, les trois. Moi, je sais pas. Vous pensez qu'on a lu Kul Kutub Sunan? Sincèrement, je sais pas. Wallahu a'lam. Cheikh, il dit ça. Je lis ce que Cheikh a dit. Hadi faïda, anastafid min hadi il faïda. On profite tous. Ensuite, on peut toujours faire des recherches. Mais si les ulama disent ça, vous pouvez faire des recherches. S'ils disent ça, c'est qu'avant eux, ils ont dit ça. Et dans les générations, ils ont dit ça. Mais moi, j'aurais pas pu le dire. Et en réalité, on se met à l'abri de lire ce que les savants disent. Et même pour vous dire que si avec le modeste niveau qu'on a, si j'ai un avis, par exemple, dans la prière, moi, j'ai appris une manière. Et j'ai un avis dans la prière que, par exemple, Shir, c'est pas cet avis qui dit. Je ne vous le dirai pas. Je vous dirai pas mon avis personnel. Je vous dirai pas mon avis personnel sur la question. Moi, je dis ce que dit Shir. J'ai ouvert le livre de Shir Ibn Taymin et parfois on prend des fawaïd de ma Shir dans des articles ou bien de Shir Al-Albani dans son livre. Je vous dis ce que le Shir y dit. Ensuite, moi, ce que j'en pense, je dis ce que Shir y dit. Si j'ai appris un autre avis chez de grands savants, j'en suis convaincu, je le dirai pas. Parce que ce qui est plus important, c'est qu'elle aime l'ulama. L'ulama al-mu'asirin ou al-qudama. Alors regardez. Cheikh, il dit. Oui, dans le fait, on a fait cette petite parenthèse par rapport aux ornements. Si maintenant, il y a des ornements, c'est-à-dire la mosquée est embellie, ou pas que la mosquée, on peut prier chez nous. Il y a quelque chose, par exemple, on a une table, une nappe, un rideau qui déconcentre. Ou bien, vous êtes invité chez quelqu'un, vous priez sur la moquette, il y a des motifs. Regardez, cette moquette, c'est pas pour faire l'éloge, mais cette moquette sur laquelle on prie, alhamdoulillah. Là, par exemple, il vaut mieux que à la mosquée, vous regardiez l'endroit de prosternation et non le mur. Parce que vous serez plus amené à être déconcentré en regardant le mur que la moquette, alhamdoulillah, et il n'y a pas de motif. Il n'y a pas de motif. Et ça, le fait qu'il n'y a pas de motif, ça aide à la concentration. Ensuite, des frères, il ne faut pas aller à l'extrême. Parce qu'il y a certains aussi, lorsqu'ils écoutent ça, il suffit qu'ils prient sur un tapis ou une moquette, il y a des ornements, il est en train de la fixer, il est en train de s'imaginer l'ornement. Et des fois, ils nous disent, « Eh, tu sais, là, il y a une tête de dragon, par exemple. » Et parfois, on regarde, il me dit, « Mais non !» Il me dit, « Si, si, c'est une tête !» Ou là, par exemple, il y a tel symbole. Ils me disent, « Il y a tel symbole. » On me l'a déjà dit ici pour le mur, on me l'a déjà dit. Il y a tel symbole sur le carrelage. Alors, il faut bien observer. Après, je vous dis pas ça pour que vous concentrez là et vous regardez. Mais il faut pas aller à l'extrême. Il faut pas pousser le regard. Le principal, c'est qu'est-ce qu'on comprend dans tout ce qu'on lit? Pour ça, hier, je vous ai dit, c'est lié à l'khushu'. Il faut chercher la concentration dans la prière. Dites-vous qu'une prière, en règle générale, elle va durer quelques minutes. 10-15 minutes. Ces 10-15 minutes de notre vie, on a la concentration. Il faut se concentrer. Si ensuite, Shaitan, il va essayer de nous déconcentrer, nous dérober, de dérober de notre prière, nous faire penser à un problème qu'on a, on se dit, je termine, ensuite je pense, j'ai tout le temps de penser à mon problème. Mais là, je termine, je me concentre, j'essaie de me concentrer. Et il va attaquer tout le monde. Il va attaquer tout le monde. Il va attaquer l'imam. Il va attaquer le fidèle. Il va attaquer le muezzin. Il va attaquer le muezzin. Fais bien ton adhan. Prononce bien. Bien sûr qu'il faut bien prononcer, mais on ne prononce pas pour les gens. Il va attaquer l'imam. Fais attention, ne te trompe pas. Bien sûr, il ne faut pas se tromper, mais si je me trompe. Qaddara Allahu ma shaa fa'al. Le principal, c'est d'adorer Allah Azza wa Jal. Vous savez, il y a un grand imam, il prie devant des milliers de personnes. Un imam de la Mecque. C'est impressionnant. Des milliers, c'est même pas des millions. C'est que même les projecteurs, les télés du monde entier, ils passent devant tous les millions des pèlerins, ils président la prière, ils récitent du livre sans regarder le livre, par cœur, déjà c'est quelque chose d'immense, devant des millions, et en plus, ça passe dans les écrans, dans tous les pays du monde entier. Imaginez-vous la pression. Ils ont demandé à l'imam, comment, lorsque tu diriges, c'est quoi? comment tu penses à quoi? Et dis-moi, lorsque je suis en direction du mihrab, je vais commencer la prière. Moi, je pense qu'il n'y a que Allah devant moi. Il n'y a personne. C'est pas facile. Parce que la réalité est autre. Il y a des gens derrière. Mais c'est ça, la sincérité. Il se concentre, pour moi, il y a Allah devant moi. Ça, c'est ça la force du croyant dans sa prière, de chercher la concentration dans sa prière. Taïb. Idan. قالوا والقول باستحباب في هذه الحال أقرب إلى أصول الشر ومقاصده من القول بالكراهة من القول بالكراهة. Donc vous avez vu, à la base, fermer les yeux dans la prière, c'est déconseillé. Sauf que parfois, ça peut être permis et mieux. Si par exemple, vous êtes en train de prier, vous voyez quelque chose qui passe, ça vous déconcentre, vous avez droit de, à ce moment-là, de fermer les yeux, de fermer les yeux. قالوا ومن النظر المكروه النظر إلى الملهيات في الصلاة لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما روت عائشة في حديث طيب نواصل الكلام on va avancer un peu pour terminer le hal puisqu'on a d'autres questions il faut qu'on rentre dans مسألة الاستفتاح je pensais qu'on allait commencer la question de l'istiftah dans la dernière assise mais on n'a pas pu, donc on va essayer d'avancer. Al-halatu al-rabi'a. Al-halatu al-rabi'a nuqila fiha al-tahrim. Nuqila fiha al-tahrim. La quatrième situation, le quatrième cas, c'est le cas où qui a été rapporté l'interdiction. Donc, premier cas, on a vu ce qui est recommandé de regarder pendant la prière. Deuxième cas, ce qui est permis. Troisième cas, ce qui est déconseillé. Pour bien se rappeler, quatrième cas, ce qui est interdit. Ce qui est interdit de regarder dans la prière. قالوا يمنع النظر إلى السماء في الصلاة منعا أكيدا. منعا أكيدا. Ils disent qu'il est interdit pendant la prière de regarder vers les cieux. On a évoqué cette question hier, on a fait allusion. De regarder vers le haut, de regarder vers les cieux. Comme cela est rapporté. Et justement, Cheikh Ibn Uthaymeen, dans son livre, il a mentionné les preuves à cela. Dans des hadiths, le prophète Hassan il dit que ceux qui regardent vers les cieux, qu'ils cessent de peur de perdre leur regard, leur vue. Et que leur vue, leur regard ne revient pas. Et de cela, les savants, ils ont déduit, ils ont estimé que si une personne, et ça c'est l'avis de certains savants, à la base ils disent c'est interdit. On trouve un avis al-karaha, que c'est déconseillé. Mais en règle générale, beaucoup de savants voient que c'est interdit, selon les textes qui sont rapportés, comme dans le hadith, comme on l'avait fait allusion hier, qui est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Comptent-ils ces gens à lever leurs yeux vers le ciel pendant la prière ?» Puis il durcit le ton à leur rencontre et dit qu'ils cessent de lever leurs yeux vers le ciel durant la prière, où ils perdront leur vue, où ils perdront la vue. Donc ça, c'est rapporté dans Al-Bukhari, c'est la traduction approximative du récit. Et dans un autre récit, il est rapporté que le prophète a dit que les gens cessent de jeter leur regard vers le ciel pendant la prière où il finira par ne pas leur revenir. Et donc les savants, ils ont déduit de ces textes que c'est interdit de regarder vers le ciel. Donc ne pas regarder en haut, lorsqu'on prie. Lorsqu'on prie, ne pas regarder en haut. Et ça arrive souvent qu'il y en a qui le font. Ils commencent à prier. Allahu Akbar, ils sont comme ça. Donc, faire attention de ne pas regarder en haut. Ça, c'est le quatrième cas, l'interdiction. ولذلك والظاهر من هذا الحديث كما قال الشوكاني أن رفع البصر إلى السماء حال الصلاة حرام. حرام. L'imam Shawkani, c'est pour ça qu'il rapportait que lui, il jugeait que c'est strictement interdit de faire cela pendant la prière. Wa li'anna al-'uqubata bil-'amal la takun illa 'ala al-muharram. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit si la punition c'est de craindre que son regard ne revienne pas, ça peut que être pour une chose qui est interdite. C'est pour ça que certains savants, beaucoup de savants voient que cela est interdit. Wa li hada qala Cheikh Ibn Uthaymeen, comme il a mentionné dans son livre, Naqlan an ba'd al-ulama, inna al-insan idha rafa'a basarahu ila as-sama'i wa huwa yusalli batalat salatuhu. واستدلوا لذلك بدليلين الحديثين اللذين ذكرناهما آنفا. Et donc lui, Cheikh Al-Uthaymeen, il dit même que certains savants ont même estimé que celui qui fait ça, il lève son regard en regardant vers le ciel pendant la prière, sa prière est annulée. C'est l'estime de certains savants. C'est pas l'unanimité, mais certains savants sont allés jusqu'à dire que s'il le fait, sa prière est annulée. Donc vraiment, pour terminer, il est rapporté que, ensuite certains savants évoquent des paroles de savants sur ça, pourquoi c'est interdit. Certains savants ont dit le fait de regarder et de regarder vers le ciel, c'est comme si on se détourne de la Qibla. Comme c'est rapporté de Riyad qui disait « Raf al-basar ila sabai fi salati fihi na' igharad anil Qibla » وخروج عن هيئة الصلاة وقال ابن حزم et le savant Ibn Hazm il dit لا يحل للمصلي أن يرفع بصره إلى السماء وقال بأن الوعيد لا يكون إلا على كبيرة من الحرام ولا على مباح مكروه أصلا ولا على صغيرة مغفورة. Et Ibn Hazm aussi il dit, pourquoi ? Parce que la punition, elle ne peut pas être pour une chose qui est détestable ou permise. C'est forcément que c'est pour une chose qui est interdite. C'est pour ça que même Ibn Hazm dans son livre, il dit « Il n'est pas permis aux prieurs de regarder vers le ciel. » Donc on avait dit la position de la tête, c'est de ne pas que le front ne touche pas la poitrine. Il ne faut pas baisser trop la tête jusqu'à ce que le menton, touche la poitrine, mais ne pas la lever là. L'abaisser pour un peu, légèrement, pour fixer l'endroit de la prosternation. Donc, vous rappelez de cette faïda, ça c'est une belle faïda. Moi, je vous ai résumé pour qu'on puisse avancer. Les quatre, rappelez-vous-en. Ça nous facilite quatre situations ou quatre cas concernant le regard dans la prière. Ça peut être mustahab, recommandé, ce qui est recommandé, permis, détesté, interdit. Donc on a pris les quatre. Là, on va passer à la question suivante ensuite. L'auteur ensuite, Cheikh Ibn Uthaymeen, va traiter la question suivante, al-istiftah. Nous, on a appris qu'ensuite, la description de la prière, on dit Allahu Akbar, après avoir fait l'iqama. On avait dit l'iqama. L'iqama, on avait dit, pour les hommes, les femmes, c'est pas obligé pour eux de faire l'iqama, ni l'adhan, ni al-iqama. Si elles l'ont fait, falabas. Il n'y a pas de mal. Par contre, les hommes, on doit faire al-iqama. Qu'on soit prié en groupe, c'est le muezzin, ou bien seul, on fait l'iqama. On avait dit, si on a prié, on a oublié de faire l'iqama, la prière, elle est valide. La prière, elle est bonne et elle est valide. Une fois qu'on a fait l'iqama, on a dit, on fait takbir, Allahu Akbar. Les mains, on avait dit, hauteur des épaules, maximum des oreilles, sans toucher les oreilles avec les doigts, que ce soit le pouce ou bien l'index. On ne touche pas les oreilles. Les mains droites, on avait dit. Les doigts pas écartés, collés. Et on dit Allahu Akbar. On avait dit ensuite, on positionne les mains, la main droite sur la main gauche, comme ça, ou bien comme ça. Ces trois situations. Sur la poitrine, ou bien en dessous, mais au-dessus du nombril, ou bien au niveau, en bas du nombril. Que tout ça, c'est rapporté du prophète. Ensuite, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? Al-istiftah. C'est ça qu'on appelle Dua al-Istiftah, l'invocation d'ouverture. L'auteur dit ثُمَّ يَسْتَفْتِحْ بِمَا جَاءَ عَنِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Ensuite, avant de faire ce qu'on appelle l'Istiaza, comme on le dira, el-Basmala, et de commencer la lecture du Coran, il est bon. Donc, quel est le statut de cela ? C'est recommandé. Celui qui ne l'a pas fait, il n'a pas commis une interdiction, sa prière est valable. Sauf qu'il est bon de commencer à invoquer Allah par une invocation qu'on appelle l'invocation d'ouverture. Dua al-Istiftah. Sauf qu'il y a différentes formules qui nous sont rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a différentes formules concernant al-Istiftah. Ici, Cheikh Ibn Uthaymeen nous évoque certaines formule, par exemple, il nous évoque certaines formules de Dua al-Istiftah. Par exemple, on a une formule célèbre où le prophète sallam disait Allahumma ba'id bayni wa bayna khataya kama ba'adta bayna al-mashriqi wa al-maghrib Allahumma naqini min al-khataya kama yunaqqa thub al-abyad min al-danas Allahumma ghsil al-khataya bil-ma'i wal-thalj wal-barad. Ça, c'est une formule qui nous est rapportée. On a d'autres formules aussi qui sont rapportées du prophète sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam, comme on les évoquera dans ce qui viendra. Vers le bas? Comme ça? C'est une erreur. Voilà, c'est une erreur. Alors l'erreur, pour pouvoir corriger l'erreur, il faut considérer certaines situations. Parfois l'erreur, elle n'est pas volontaire. Soit on fait l'erreur, ça peut venir d'une personne qui connaît, qui sait, mais à force, les mois passent. Par exemple, on étudie le livre, les mois vont passer, les années passent. Avec le « à force de prier », des fois on se laisse, on en oublie, et on commence à... On se laisse. Donc parfois la personne sait, mais c'est une négligence. Si on lui fait le rappel, vous lui avez fait rappeler quelque chose qu'il avait appris, qu'il sait, il va dire « Baraklofi », qu'il sait que c'est comme ça, et des fois on se laisse. En tout cas, comme ça, c'est une erreur. Au niveau de la poitrine, les savants, Shem Lathami l'avait mentionné, « Adaralat », c'est une erreur. Ou des fois l'erreur vient d'une personne qui ne sait pas. Il a appris comme ça. Ou bien il comprend les choses comme ça. Là, il faut lui enseigner. Donc des fois, on est dans une situation, on fait le rappel à une personne. Nous-mêmes, on sait parfois, il y en a des négligences. On a des négligences. Ou bien des fois, c'est des personnes qui ne savent pas, il faut leur enseigner. Sauf que, est-ce que la prière, elle est valable? La prière, elle est valable. Comme pour ceux, par exemple, on avait dit qu'ils prient les mains le long du corps. C'est pas la sunna du prophète, sallam. Donc on leur enseigne la sunna du prophète, sallam. Le prophète dit, celui qui se détend de ma sunna, il ne fait pas partie des nôtres. Mais sa prière, elle est valable. Celui qui a fait ça, comme ça, on ne le dit pas, salat ou kabartila. Ta prière, elle est nulle. Tu dois recommencer. Non. Sa prière, elle est valable. Sauf billati et arsène, no'allim al-nas, on enseigne aux gens billati et arsène. S'il prie comme ça, il contredit la sunna du prophète, sansam lakin salat ou sahiha. Mais sa prière, elle est valable. Surtout, ça a été pris d'un imam ou d'autres imams. Mais nous, on enseigne le meilleur, ce qu'il faille faire. Sallu kama ra'aytumuni, ou salli, comme dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Différentes questions concernant l'istiftah. À l'istiftah, donc on commence, c'est la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on est seul, ou pas seul, lorsqu'on prie, avant de faire l'istihada ou le basmala et de lire le fatiha, on fait ce qu'on appelle, comme on l'a dit, dua l'istiftah, la dua d'ouverture. La dua d'ouverture, on a dit, premièrement, elle est recommandée. Deuxièmement, il y a différentes formules qui nous sont rapportées. Est-ce qu'il faille toutes les dire ou bien il faut varier? Les savants disent, si une personne connaît une formule, il se contente de réciter la formule qu'il connaît. Si vous avez appris une formule, vous vous contentez de dire la formule que vous connaissez. Comme par exemple cette formule qui est célèbre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a dit, Allahumma ba'id bayni wa bayna khatayaya kama ba'adta bayna al-mashriqi wal-maghrib Allahumma naqini min al-khataya kama yunaqqa al-thawb al-abyad min al-danas Allahumma ghsil khatayaya bil-ma'i wal-thalj wal-barad. Celui qui connaît celle-là, qui a appris celle-là, il se contente de dire celle-là et c'est très bien, mashallah, il se contente de dire celle-là. Celui qui mémorise d'autres, puisqu'on va voir, il y en a d'autres qui sont rapportés du prophète. Est-ce que lui, il dit, par exemple, s'il en connaît deux, trois, il dit les trois, ou bien il varie, tantôt il dira celle-ci, et dans une prière, tantôt il dira celle-ci. Certains savants considèrent qu'il varie. Tantôt, par exemple, un jour il dit celle-ci, tantôt il dit celle-ci, tantôt il dira l'autre, certains savants voient qu'il varie. C'est ce qu'on appelle atténuer. C'est ce qu'on appelle atténuer. Donc ça, c'est la deuxième question. Est-ce que si on connaît différentes formules, on les dit toutes ou bien on peut varier? On varie. Dans une prière, on dit celle-ci. Une autre prière, on varie, on dit celle-là. Si maintenant, notre question traitée, est-ce que c'est juste pour la prière surrogatoire et pas pour l'obligatoire ou à l'inverse? Est-ce que c'est pour la prière obligatoire seulement et pas pour Al-Nafila? Les savants disent que l'istiftar, c'est pour les deux prières. Qu'elles soient obligatoires ou bien surrogatoires. Que vous faites une prière obligatoire, nestiftar. On fait l'invocation de l'istiftar. Que ce soit une prière surrogatoire aussi, obligatoire ou surrogatoire, on fait l'istiftar. Maintenant, pour la surrogatoire, une question se pose. Pour la surrogatoire, une question se pose. Par exemple, celui qui fait différentes prières surrogatoires, comme par exemple pour Salat al-Tarawih, ou pour la prière de nuit. Par exemple, le prophète Sassam nous dit, la prière de nuit c'est mathna, mathna. C'est faire deux unités de prière par deux. C'est-à-dire, on fait deux unités de prière et on fait les salutations. Je fais une prière de deux unités, de rak'at, ensuite je salam. Ensuite je, si je veux faire encore une, je fais une. Est-ce qu'à chaque fois, je refais l'istiftar? Ça c'est une question qu'ont traité les savants. Pourquoi? Parce que par exemple, même quand on fait, par exemple, salat al-tarawih, on va faire une prière, la première rak'at, on est d'accord qu'on fait l'istiftar à la première rak'at, pas à la deuxième. Donc on va faire une première prière, donc là, on fait l'istiftar. Ensuite, on va arriver à la deuxième rak'at, on n'a pas besoin de réitérer l'istiftar. On va faire les salutations, on va commencer une nouvelle prière. Est-ce que là, on se doit de faire l'istiftar ou on ne doit pas faire l'istiftar? Beaucoup de savants considèrent qu'on peut faire l'istiftar, qu'on refait l'istiftar. C'est la fatwa de Sheikh Ibn Baz et de Sheikh Ibn Uthaymeen, qu'on peut refaire, elle, istiftar. Wayaqulun, il dit sur cette question-là, قالوا et c'est par exemple عند الحنابلة قالوا الاستفتاح في النوافل يرى الحنابلة أن صلاة النافلة إذا كانت بأكثر من سلام واحد كما في التراويح والضحى وصلاة سنة الراتبة إذا كانت أربعا وصلها بسلامين فإنه يستفتح في كل ركعتين على الأصل لأن كل ركعتين صلاة مستقلة صلاة مستقلة وفي قول آخر عندهم يكتفي باستفتاح واحد في أول صلاته وإن صلاها النافلة الرباعية بسلام واحد فقد قال الحنفية إن النافلة الرباعية نوعان النوع الأول شبهه بالفريضة لتأكده وهو أربع قبل صلاة الظهر وأربع قبل صلاة الجمعة وأربع بعد صلاة الجمعة فهذا النوع ليس فيه إلا استفتاح واحد إلى آخر الكلام. Donc là, certains savants ont détaillé cette question-là. Al-Muhim, certains savants disent qu'on peut se contenter d'une fois l'istiftah. On le dit une fois. Par exemple, on fait salat tarawih, vous le dites une fois dans la première rak'at. Ensuite, les autres prières, vous n'êtes pas obligés. On ne fait pas l'istiftah. Et certains savants voient ici qu'on peut vous réitérer. Si vous faites les salutations, si vous faites 4 rak'at d'un coup, non. Mais si vous faites des salutations, 2 rak'at, salam alaikum wa rahmatullah, salam alaikum, vous recommencez, testeftir. Ils disent, il n'y a pas de problème. Sous il est Sheikh Ibn Baz, fihada, ou Sheikh Ibn Uthaymeen et d'autres savants, ils ont dit, testeftir. Il n'y a pas de souci à cela, on fait les stifter. Par contre, une autre question, où est-ce que beaucoup de savants disent, on ne fait pas les stifter, c'est pour salat al-janaza. La prière, lorsqu'on fait la prière sur le mort. Salat, alaykoum salam, salat al-janaza, certains savants disent, est-ce qu'on fait l'istiftar ou pas? Qalou salat al-janaza fardun kifaya. À la base, la prière al-janaza, son statut, c'est une obligation suffisante. Lorsqu'on dit obligation suffisante, c'est-à-dire si une partie de la nation l'a fait, une partie de la communauté l'a fait, c'est pas une obligation pour le reste de la communauté. فقالوا دعاء الاستفتاح سنة مؤكدة. Et à la base, la dua, ce qu'on appelle dua al-istiftah fi salah, c'est une sunna qui est mu'akkada. Donc c'est pas obligé. C'est pas obligé de l'istiftah fi salah, mais ça fait partie de la sunna. Et le croyant Et le croyant n'a pas une meilleure chose pour se rapprocher d'Allah Azzawajal que de faire des choses surrogatoires. Surtout la pratique de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam. Faqalu du'a al-istiftar sunnatun mu'akkada. C'est une sunna qui est confirmée. Sunna mu'akkada. Comme al-witr. L'avis répandu chez les savants, c'est que al-witr, c'est une sunna qui est mu'akkada. Elle n'arrive pas au degré de fard. Mais c'est une sunna qui est vraiment confirmée. Une sunna confirmée. Taïb. Dans l'istiftar, ils disent c'est une sunna aussi mu'akkada fi kulli salatin fiha. Mais ils disent pour toute prière où qu'il y a recours ou sujoud. Inclinaison et prosternation. Kal fara'idi wa nawafili wa al-aidain wa al-kusuf wa ghayriha. Comme par exemple pour les prières du Eid, les prières de al-kusuf, de l'éclipse, et les prières surrogatoires et les prières prescrites obligatoires. Donc là, on fait dua al-istiftar. On ouvre dua al-istiftar. Amma salat allati laysa fiha ruku' wa la sujud. En ce qui concerne maintenant les prières où il n'y a pas de ruku', il n'y a pas de sujud, pas de prosternation, pas d'inclinaison. Ka salat al-janaza, as-salat al-mayyit. فقال العلماء أما الصلاة التي ليس فيها ركوع ولا سجود كالصلاة على الميت كالصلاة على الميت. Donc c'est là que les savants ont traité et ont débattu sur la question. Donc pourquoi je vous ai cité cela aussi, c'est pour comprendre pourquoi les savants ont traité cette question, ont débattu sur cette question, et ils n'ont pas émis le même avis que pour les autres prières. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'il y a des prières ou qu'il y a fiha ruku' ou sujud, sauf que as-salat ala al-mayyit, laysa fiha ruku' ou sujud. Donc de là, al-ulama, takallamu fi hadhihi al-mas'ala, du'a al-istiftar fi as-salati ala al-mayyit. Fahal tuqal ou hal yuqal du'a al-istiftar fi as-salati ala al-mayyit, ikhtalafa al-ulama fi hadhihi al-mas'ala. Ikhtalafa al-ulama al-fuqaha fi mas'alat du'a al-istiftar في صلاة على الميت في الصلاة الفرائض والنوافل والعيدين والكسوف وغيرها ما في خلاف قلنا أن دعاء الاستفتاح سنة مؤكدة الكلام في صلاة على الجنازة فسنذكر الكلام بخلاصة بعد الأذان إن شاء الله بهذه وضعه وجدت مصدر إذن نكمل مسألة دعاء الاستفتاح في الصلاة على الميت في الصلاة على الميت في أو من خلال هذه الدقائق المعدودة إن شاء الله نقرأ التفصيل في هذه المسألة بكلام مجاز إن شاء الله. فجمهور المذاهب على عدم الدعاء الاستفتاح في صلاة على الميت في صلاة على الجنازة وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. علماء الحنابلة والعلماء المالكية والشافعية عند المذهب الشافعي والمذهب المالكي وعند الحنابلة فإنه لا يستفتح, أن دعاء الاستفتاح لا يسن في صلاة الجنازة. هم يقولون أن صلاة الدعاء الاستفتاح لا يسن في الصلاة على الميت. قالوا استدلوا عللوا واستدلوا بأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم استفتاح في صلاة الجنازة, أن النبي صلى الله عليه وسلم استفتح في صلاة الجنازة لم يرد. ليس لدينا نص ولا حديث ولا ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استفتح في الصلاة على الميت. فإذا هم قالوا أننا لا نستفتح في صلاة على الميت لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استفتح في الصلاة على الميت. وثانيا قالوا إن صلاة الجنازة شرع فيها التخفيف. الصلاة الجنازة قال العلماء أنه شرع فيها التخفيف, فقالوا فناسب ترك الاستفتاح فيها. إذا شرع التخفيف في صلاة على الجنازة صلاة على الميت فقالوا إذن ناسب ترك الاستفتاح فيها. ولذلك ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى قال وأما دعاء الاستفتاح ففيه وجهان. اسمعوا إلى كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى, قال دعاء الاستفتاح فيه ففيه وجهان, واتفق الأصحاب على أن المستحب تركه. لما يذكر الإمام النووي ويقول واتفق الأصحاب, ماذا يغني الإمام النووي لما يقول في كتبه كثيرا ما يقول واتفق الأصحاب؟ هو يريد ويشير إلى أئمة المذهب الشافعي لأنه كان هو متخصص وهو كان من مذهب الإمام الشافعي ويميل للمذهب الشافعي. فالإمام النووي إذا قال اتفق الأصحاب يعني أصحاب المذهب الشافعي. وقلنا أن جمهور العلماء سواء كان عند المالكية, وهذا القول مشهور عند المغاربة, عندنا المغاربة حتى في أفريقيا مشهور, وعند الشافعية وعند الحنابلة بعدم مشروعية دعاء الاستفتاح في الصلاة على الميت. كما ذكر الإمام النووي قال دعاء الاستفتاح فيه وجهان واتفق الأصحاب, يعني علماء المذهب الشافعي, قالوا اتفق الأصحاب على أن المستحب تركه, الذي يستحب في الصلاة على الميت ترك دعاء الاستفتاح. انتهى كلامه. وسئل الشيخ بن باز رحمة الله عليه في هذا قال وأما الاستفتاح فلا بأس بفعله ولا بأس بتركه, وتركه أفضل. قال وتركه أفضل. وأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة, أسرعوا بالجنازة. فشرع في صلاة على الميت التخفيف, فناسب التخفيف يناسب ماذا؟ عدم دعاء الاستفتاح في صلاة على الميت. وأخيرا سئل الشيخ بن عثيمين في هذه المسألة قيل هل يشرع دعاء الاستفتاح في الصلاة على الجنازة فأجاب رحمة الله عليه ذكر العلماء أنه لا يستحب, كما أخذنا هذا عن الإمام النووي رحمه الله تعالى. وعللوا ذلك بأن صلاة الجنازة مبناها على التخفيف, وإذا كان مبناها على التخفيف فإنه لا استفتاح. انتهى كلامه في مجموع فتاوى بن عثيمين. وقول بالجواز وقول الأحناف قول الأحناف لكن جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة على عدم استفتاح في صلاة على الجنازة. فخلاصة الكلام قالوا العلماء الأقرب عدم مشروعية الاستفتاح في صلاة الجنازة لعدم ورود عن النبي صلى الله عليه وسلم ولأنها مبنى عن التخفيف ولهذا لا ركوع فيها ولا سجود ولا يقرأ فيها سوى الفاتحة والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Désolé pour les frères pour la traduction. On n'a pas le temps, Inch'Allah. Dans la prochaine assise sur la description de la prière, je traduirai la parole. C'était sur l'invocation lorsqu'on fait doa al-istiftar pour la prière du mort. On a dit que la majorité des savants disent qu'on n'a pas à faire doa al-istiftar. Nasta'id billah wa nubasmil. On dit bismillah ar-Rahman ar-Rahim et on lit le Fatiha. On lit al-Fatiha. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ali wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa barakallahu fikum.